Oh putain, j'ai 15 millisecondes maintenant. Yeah! Thank you. Les mecs, vous avez encore rien compris sur Nimbot. Hein, les boucles BPI, moi je m'en fous d'être conforme à Nimbot. Si ça représente 30 secondes une boucle, du moment que ça tombe sur 30 secondes, que ça tombe sur le deuxième temps, le troisième temps, qu'à chaque tour, ça retombe toujours sur le deuxième ou le troisième temps, c'est bon. Arrêtez de vous prendre le chou. Jouez de la musique, arrêtez de penser que une fois que vous serez conforme à Nimbot, vous saurez jouer de la musique. Déjà, apprenez à jouer, essayez de comprendre déjà la musique, les mesures, le nombre de temps qu'il y a dans une mesure, le nombre de croches, le nombre de blanches, de noires. Mais moi, en 6.